Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Un enfant mort, 4 personnes blessées, plus de 300 maisons d'habitation détruites, ainsi que plusieurs hectares de champs de culture endommagés. Tels sont les dégâts occasionnés par les glissements de terrain survenus la nuit de ce vendredi sur la colline Gabanilo en province Lomongue. Les victimes appellent à l'aide. C'est un reportage à suivre dès le début de cette édition. Le parti Uprona estime que la disposition interdisant les journalistes d'annoncer les résultats d'une élection avant les organes compétents est un des défis qui limitent la transparence électorale. Vous entendrez le président de ce parti au cours de cette édition. Et certains habitants de la commune et province Makamba dénoncent des irrégularités dans la distribution du sucre. Ils se lamentent qu'une certaine quantité est attribuée aux personnes dans différents secteurs opérant au chef-lieu de la province, ce qui, selon eux, réduit la quantité qui leur est destinée. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide. Albert Douayo assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un enfant mort, 4 personnes blessées, plus de 300 maisons d'habitation et les infrastructures du projet Kilasa Energy détruites et plusieurs hectares de champs de culture endommagés. Tel est le bilan occasionné par des glissements de terrain de type rotationnel survenus sur la colline Gabanilo de la commune Muhuta en province Lomongue le soir de ce vendredi. Les victimes demandent une assistance d'urgence. Abdoul Nilani Bagila, chef de cabinet du gouverneur de Lomongue, appelle la population sinistrée à ne plus s'installer dans cette localité, mais de loger au centre des métiers de Gitaza en attendant une intervention humanitaire. Jean-Pierre Misako. Des personnes transportant sur la tête portes et fenêtres de maison, d'autres des biens ménagers, d'autres encore assis près de leur bien sauvé. Voilà ce qu'on pouvait voir sur la route nationale numéro 3 sur la colline Gabaniro, près de la rivière Kilasa depuis ce samedi matin. Ceux qui se sont exprimés désespèrent après avoir perdu maison et biens ménagers, animaux domestiques, terres cultivables. Après des affaissements suivis de soulèvements de terrain survenus dans cette localité le soir de ce vendredi avec des signes avant-coureurs dès l'avant-midi. Ils demandent une aide d'urgence après ce phénomène dépassant leur entendement selon leur dire. Un phénomène ayant anéanti aussi la microcentrale hydroélectrique alimentant Mutumba en électricité et mettant à terre 3 pylônes de la ligne haute tension provenant de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi. Ingénieur Abdoul Nilani Bagira, chef de cabinet du gouverneur de Lomongue, demande à la population de la localité concernée de vider les lieux et loger temporairement au centre d'enseignement des métiers de Gitaza en attendant toute intervention humanitaire qui leur parvient dès ce dimanche selon ses propos. Pour Dr. Athanase Nkunzimana, environnementaliste et professeur d'université, ce qui s'est passé à Gabaniro n'est autre que des glissements rotationnels susceptibles de survenir même sur les collines voisines de Gabaniro présentant déjà des fractures. Il s'agit donc, selon lui, d'une zone tectoniquement instable et les populations de ces collines doivent faire attention ou tout simplement déménager. Jean-Pierre Misago depuis Gabaniro, Radio Isanganiro. Merci et Jean-Pierre Misago. Page politique pour continuer avec cette édition. Le parti Uprona estime que la disposition qui interdit aux journalistes d'annoncer ou de proclamer les résultats d'une élection avant les organes compétents constitue un des défis qui limite la transparence électorale. Olivier Ngundiza, président de ce parti, revient également sur la caution exigée aux candidats à l'élection présidentielle qui, selon lui, enfreint le droit à se faire élire. Suivez-le. Les partis politiques avaient crié depuis longtemps que les cautions demandées par un candidat président et même les candidats du conseil communal, qu'il ne fallait pas aller jusqu'à 100 millions, c'est beaucoup, tenant compte de la pauvreté, tenant compte de la situation actuelle socio-économique du pays. Ça, c'est limité, c'est d'abord empêcher les gens de participer dans les élections, tenant compte de leur situation socio-économique. Ce n'est pas à dire qu'un riche, c'est celui qui a un bon projet de société, mais pas du tout. Et depuis 2005, les Burundais ont pu voter des membres des conseils communaux de valeur, même s'il n'y avait pas de caution. L'argument est qu'on a des listes fantaisistes, mais aussi les partis politiques, ceux qui font des listes. Alors, je pense que la responsabilité des partis politiques, c'est de présenter un homme meilleur ou une femme de valeur qui va bien sûr porter le projet de société d'un parti. Alors dire que ce sont des listes fantaisistes, d'abord c'est la façon et le moyen de dénigrer les partis politiques et les candidats indépendants. D'autre chose est qu'au niveau effectivement du code électoral, nous avons effectivement toujours dit qu'il faut laisser la liberté des journalistes pour qu'effectivement les journalistes proclament effectivement les résultats des urnes qu'ils trouvent sur les bureaux de vote. Mais il y a un article qui les empêche, qui dit qu'une fois proclamé, alors que ce n'est pas la CENI, là vous trouvez qu'il y a aussi un trick pour empêcher les journalistes à proclamer les résultats sur terre. Mais dans le code électoral, il y a d'autres choses que nous avons acceptées et que nous soutenons. C'est à compte du discours de son Excellence le Président de la République quand il a fait lancement officiel de l'éducation civique électorale. C'est à base de la loi, car le code électoral n'est pas bien préparé, c'est déjà le mauvais départ. Olivier Nkurunziza, il est président du parti UPRONA. Certains habitants de la commune et province de Makamba se lamentent qu'ils observent des lacunes dans la distribution de sucre. Ils indiquent qu'une certaine quantité est donnée aux personnes dans différents secteurs opérant au chef-lieu de cette province. Selon eux, cela réduit la quantité qui leur est destinée. Ils demandent que ces personnes reçoivent ce produit dans leur propre quartier comme les autres. Le gouverneur de la province de Makamba trouve que chaque ménage devrait posséder un cahier dans lequel il sera marqué qu'il a reçu du sucre. C'était ce vendredi au cours d'une réunion du gouverneur avec les services déconcentrés dans la zone Makamba. Elize Kwizera depuis Makamba. Ces habitants de la commune et province Makamba disent qu'ils observent des lacunes à propos de la distribution du sucre, ce qui réduit la quantité qui leur est destinée. Ils indiquent qu'il y a une partie de sa quantité qui est donnée aux différents secteurs opérant au chef-lieu de la province Makamba. Ils demandent que les agents de ce secteur s'approvisionnent en sucre dans les quartiers comme tant d'autres. Tarsis Ndizeye, chargé de la distribution du sucre dans la commune Makamba, affirme ces informations. Il ajoute aussi des spéculateurs qui s'approvisionnent en sucre pour le vendre à leur retour. Le gouverneur de la province Makamba, Tantine Tchutina Magara, demande que ces spéculateurs soient arrêtés. En outre, il recommande que chaque famille possède un cahier de ménage dans lequel on indiquera ceux qui ont reçu du sucre. Cela a été dit ce vendredi dans une réunion que le gouverneur de la province Makamba, en collaboration avec les responsables des services déconcentrés, a tenu à la population de la zone Makamba. À côté de cela, il a été évoqué le vol des compteurs électriques. Les personnes ayant l'art de révéler les féticheurs qui se parlent à maintenant dans cette province, ainsi que le manque des caniveaux, d'où les ondes de la pluie menacent les routes et d'autres infrastructures. Depuis Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passé de 9 minutes en ligne. Vous nous suivez depuis www.isanganiro.org et vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, le gouverneur de la province Kirundo met en garde certains juges et magistrats qui demandent des frais de déplacement à la population pour aller mettre en application les procès fonciers qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi. Victor Segasago l'a dit ce vendredi lors d'une réunion avec la population de la zone Kigina en commune de Bugabida où il a constaté beaucoup de conflits fonciers. Il a demandé à ses habitants de pointer du doigt ces juges et magistrats qui affichent ce comportement. Abraham Safari. Parmi les problèmes qui engloutissent la population de la commune de Bugabira, comme l'a signalé le gouverneur de Kirundo, les principaux sont les conflits fonciers. Ici, il a demandé à la population de faire enregistrer leurs propriétés pour éviter certains conflits. Le colonel de police Segasago Victor a mis en garde certains juges qui demandent encore à la population des pots de vin pour pour arriver sur terrain dans la mise en application des procès fonciers. Il a demandé à la population de les pointer des doigts et ils seront sanctionnés conformément à la loi, a-t-il dit. Cette autorité a terminé son allocution par des conseils à la population pour préserver la paix et la sécurité. Ces dernières, a-t-il continué, ce n'est pas l'affaire des instances de sécurité seulement, mais plutôt une affaire de tout le monde. Il les a interpellés de veiller au mouvement de va-et-vient des personnes qui ne sont pas de leur localité, car, a-t-il continué, des malfaiteurs qui sont poursuivis dans telle commune se déplacent dans une autre pour le camouflage. Signalons que le gouverneur Sega Sago est en train de faire des descentes dans toutes les zones de la province de Kirundo afin de recueillir les doléances de la population. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safadi. Il y a une femme qui fabrique des objets dans la peau de vache sur la colline Kilema de la commune et province Kayanza. Ilina Azwenadine fait savoir que non seulement cette activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi qu'elle lui permet de réaliser de mini-projets tels que l'élevage du petit bétail. Les membres de sa coopérative, de même que les clients de ses produits, tous apprécient la qualité. Justine Komezadousave, conseillère du gouverneur de la province Kayanza chargée des finances, appelle les femmes de cette province à se regrouper davantage dans des coopératives et associations de développement pour mieux se développer. Patrick Nsengiyumba nous parle de Nina Zouenadine. Cette femme qui fabrique différents objets en cuir, dont des souliers, des sacs, des porte-monnaie, etc. à la colline Kilema en commune et province Kayanza, dit qu'elle a commencé cette activité en 2018 après avoir terminé les études secondaires. Ilina Zouenadine dit qu'avant de commencer la maroquinerie, elle dépendait en tout de son mari, mais qu'aujourd'hui elle se réjouit de participer à la survie de sa famille. Elle fait savoir également que cette activité lui permet de réaliser de mini-projets de développement tels que l'élevage du petit bétail, expliquant qu'elle élève déjà 3 chèvres et 2 porcs, obtenu de l'argent qu'elle gagne de cette activité. Nadine Ininazo appelle d'autres femmes d'ailleurs à retrousser les manches et s'atteler massivement aux activités de développement. Toi Vincent, président de la coopérative et Tulashoye qui fabrique des objets en cuir et dans laquelle travaille Nadine Ininazo, témoigne le courage et le dynamisme de cette femme en exerçant ses activités. C'est le lit. La femme d'aujourd'hui doit savoir qu'elle est différente de celle d'Anta qui dépendait de tout de son mari. Des clients de différents objets fabriqués par Ininazo, Nadine apprécie beaucoup la qualité de ces objets et appelle d'autres femmes à la prendre pour modèle dans l'exercice de différentes activités de développement. Même son de cloche avec Justine Komezadousave, conseillère du gouverneur en charge des finances. Celle-ci indique qu'au niveau de l'administration, on encourage les femmes à s'atteler massivement aux activités de développement, surtout en se regroupant ensemble dans des associations et coopératives de développement. Signalons qu'en province Kayanza, des femmes se prennent davantage d'engouement dans l'exercice des différentes activités de développement qui jadis était réservé seul aux hommes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumba. Et en province Changuzo, ce sera pour boucler cette édition. Les habitants de la commune Kigamba et ses environs se disent heureux de la diminution du trajet qui leur coûtait cher à la recherche des soins de santé. Cela se dit suite à l'inauguration de l'hôpital dit Kigamba, nouvellement construit sur l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Lors de la remise de cette infrastructure publique ce vendredi, Brigitte Mukanga Eno, représentante du HCR au Burundi, indique que le choix de Changuzo a été motivé par le fait que cette province accueille un grand nombre de rapatriés et que la région est du Burundi compte beaucoup des camps de réfugiés congolais. Docteur Frédéric Faustin Ilambona, médecin provincial qui a représenté la ministre de la Santé publique, promet de faire le tout possible pour que cet hôpital débute les activités. Omer Ndouaïo. Ce nouvel hôpital de Kigamba, d'un coût estimé à 3 milliards de francs burundais, équivalent à près d'un million et demi de dollars américains, est construit sur un espace de 3 hectares et 26 arts. Il comprend 10 blocs qui abritent les services administratifs, un laboratoire, un bloc opératoire, une maternité, 3 blocs d'hospitalisation, un bloc pour la médecine générale, une morgue, une salle d'attente et un groupe électrogène. Parmi les raisons du choix de Kigamba, on note entre autres la réception d'un bon nombre de rapatriés, indique Brigitte Mukanga Eno, la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi. Le choix a été fait pour cette commune de Kigamba parce que Kigamba fait partie des zones qui sont en train de recevoir un grand nombre de rapatriés à partir de la Tanzanie. De façon générale, depuis que nous avons commencé l'opération de rapatriement, nous avons déjà reçu plus de 250 000 rapatriés dans le pays. Mais la province de Changuzo, elle seule, a déjà reçu plus de 22 000. Mais en plus de cela, nous avons également le plus grand camp des réfugiés ici à l'Est. Et c'est donc pour consolider les efforts et la réponse aux besoins sanitaires des réfugiés, des rapatriés et de la population hôte de Tchankounzo. C'est dans ce cadre que le HCR, qui avait tenu cette promesse, la réalise aujourd'hui avec la remise de cet hôpital avec tous les équipements nécessaires pour que la population de Kigamba et ses environs puisse bénéficier des soins de santé de très bonne qualité. Théophile Ndaroufatiye, secrétaire permanent au ministère et à l'intérieur dans ses attributions, qui a reçu cette infrastructure publique, appelle au ministère de la Santé d'y mettre les travailleurs pour démarrer les activités. Un appel bien reçu par Dr Frédéric Faustin Irambona, médecin provincial de Tchankounzo, qui en même temps a représenté le ministère de la Santé publique. On en discutera effectivement en profondeur avec les différents départements du ministère pour d'abord définir le type d'hôpital que nous avons. En ayant déjà la bonne définition de l'hôpital, on va voir le type de ressources humaines, de quelle catégorie, partie médicale, paramédicale, technicien, pour faire fonctionner effectivement les différents équipements que vous avez vus, surtout de pointe, notamment la radiographie numérique, l'échographe, vous avez vu les électrocardiogrammes, vous avez vu également le bloc opératoire. Ça veut dire que nous aurons besoin effectivement des médecins qui savent faire des choses là. Les habitants de Tchankounzo et ses environs se réjouissent de ce don. C'est un plaisir pour nous. Nous comptons tout faire pour un bon entretien. Lorsqu'il s'agit des maladies qu'on ne peut pas traiter dans les centres de santé, ça nous coûte cher pour le transport vers Karoussi ou à Kibouye dans la province de Gitega. Exemple typique, moi j'ai payé 300 000 francs burundais pour ma belle-fille. C'était l'année passée. L'hôpital de référence de Kigamba est remis au gouvernement du Burundi en réponse de la promesse du HCR dans la période de la pandémie de COVID-19. Omer Ndouaïo. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide. Albert Ndouaïo assurait la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco Ndouimana. Il a lu la presse pour nous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de votre zone d'écoute. Une responsabilité de trop, estime le journal Iwachu, parlant de la commission Vérité et Réconciliation. En effet, c'est elle qui va gérer les 35 000 dossiers qui avaient été ouverts par la Commission nationale des terres et autres biens CNTB, mais qui n'ont pas été clôturés alors que le mandat de cette institution est venu à terme depuis le mois de mars 2022. Le journal Iwachu trouve que les nouvelles missions accordées à la CVR risquent d'être aux antipodes de son objectif, qui consiste à la fois à chercher la vérité et à assurer la réconciliation des parties. Elle va aussi se disperser et risquera de ne rien mener à terme. « Qui trop embrasse, mal étreint », lance l'éditorialiste de cet hebdomadaire. Bientôt, des véhicules électriques au Burundi, annonce Burundi Eco. En effet, rapporte ce journal, un projet d'appui vers la transition à la mobilité électrique au Burundi a été lancé jeudi 4 avril 2024 à l'hôtel Kiririgaden. Malgré tant de défis qui hantent ce secteur, il a été démontré que la mobilité électrique est plus que nécessaire pour résoudre certains problèmes environnementaux, mais aussi économiques, au Burundi. Dans les différentes présentations, poursuit son confrère, il a été démontré que ce secteur est encore confronté à plusieurs défis. On a cité notamment le prix de ces véhicules électriques qui sont plus ou moins chers compte tenu du pouvoir d'achat de la population burundaise, l'état piteux des routes et l'insuffisance de l'électricité pour charger les batteries de ces véhicules, pour ne citer que ceux-là. Dans son exposé, rapporte encore cet hebdomadaire socio-économique, Alexander Corner, chargé de programme et chef d'équipe mobilité électrique à l'unité mobilité durable du programme des Nations Unies pour l'environnement, a fait savoir que, malgré tous ces défis, c'est encore possible pour le Burundi d'y arriver. Il s'est basé sur l'histoire des autres pays de la sous-région, comme le Kenya, la Tanzanie, etc., qui utilisent déjà les véhicules électriques. Burundi Eco précise que le projet d'appui vers la transition à la mobilité électrique au Burundi est financé par le Fonds mondial pour l'environnement et que le coût de celui-ci s'élève à plus de 770 000 dollars américains pour l'atténuation du changement climatique. Revue de la presse. Les directeurs des écoles de Bubanza appelés au changement positif afin d'augmenter le taux de réussite, rapporte l'agence burundaise de presse. Cet appel a été lancé mercredi 17 avril au cours d'une réunion qui a été tenue par le directeur provincial de l'enseignement à l'endroit des directeurs des écoles de son ressort, tenant compte des mauvaises attitudes qui ont été affichées par certains d'entre eux au cours du deuxième trimestre, écrit l'ABP. Certaines des mauvaises attitudes qui ont caractérisé certains directeurs des écoles et qui ont été évoquées dans cette réunion sont entre autres la spéculation des directeurs qui gonflent les effectifs des élèves et qui par après placent parmi les abandons scolaires ces élèves fictifs qui ont été ajoutés. Le DPE de Bubanza juge incompréhensible le nombre d'abandons de 3630 au premier trimestre et plus de 7400 abandons au second trimestre, souligne l'agence burundaise de presse. Selon lui, note encore ce quotidien, ce fait de gonfler les effectifs des élèves peut amener les autorités à prendre de fausses décisions. Il a donné l'exemple des écoles qui ont bénéficié de beaucoup de livres des premières et deuxièmes années et qui sont en train d'être endommagées dans des bureaux des directeurs. On termine cette revue de presse avec Net Press, qui rapporte que certains justiciables de la commune de Rumonge indiquent que certaines autorités à la base exigent un montant estimé entre 1000 francs burundais et 2000 francs pour faire parvenir une convocation à celui qui est convoqué. Ils dénoncent ces actes de corruption et demandent que ces administratifs soient arrêtés. Ce quotidien en ligne révèle que Gaspard Nahayo, président du tribunal de grande instance de Rumonge, confirme ces informations et indique que cela fait qu'il y ait lenteur des jugements et désoriente la justice. Ainsi se referme ce journal des journaux qui vous a été préparé et présenté par Jean-Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.